vous tous qui êtes à l'écoute de la radio scolaire Nderagakura. Bienvenue dans cette édition de la matinée dont voici le sommaire. Le président de la République du Burundi demande aux organisations privées œuvrant dans le domaine de la sécurité sociale de travailler dans le respect de la loi. Le numéro 1 burundais a interpellé ces organisations ce vendredi lors de la 3e assemblée générale annuelle de la Commission nationale pour la protection sociale. C'était à Viegua dans la province d'Ongozi. Cette activité a été suivie par la récolte des pommes de terre dans les champs de la famille présidentielle de la commune Gashikanoa. Les enseignants des classes des premières années post-fondamentales font face à des disparités des niveaux des élèves selon qu'ils proviennent de la 9e année ou de la 10e année. En vue de remédier à ce défi, la direction du lycée de Muramvya a pris la stratégie d'organiser des séances de mise à niveau les après-midi. Voilà pour le sommaire, dans un instant, le développement. Bienvenue encore une fois. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, demande aux associations privées œuvrant dans le domaine de protection sociale de travailler dans le respect de la loi. Il l'a dit ce vendredi lors de la 3e assemblée générale annuelle de la Commission nationale de la protection sociale. C'était à Viegua, dans la province d'Ongozi. Le numéro 1 burundais invite la population burundaise à bien conserver la production et à épargner dans les banques. Il est traduit en français par Protenyandui. Nous voulons demander aux associations privées œuvrant dans le secteur de la protection sociale de travailler dans le respect de la loi et de redoubler d'efforts dans leur travail et de savoir que le gouvernement connaît les défis qui hantent le secteur de protection sociale. Nous réaffirmons encore une fois que votre gouvernement ne ménagera aucun effort pour continuer à aider les Burundais à vivre mieux, surtout les malades, les vieux, les pauvres et les victimes des différentes catastrophes. Les travaux en cours de réalisation. Nous voulons bien préparer le projet des soins gratuits à la population, rappeler les Burundais de bien conserver la production et épargner dans les banques et dans notre caisse. Et les Burundais l'ont bien dit, Umugabo ni Uwoja Akaratsi. Lutter avec énergie la mauvaise culture de faire travailler la population sans la payer à temps ou la payer en salaire insuffisant. Et améliorer le secteur qui aide les demandeurs d'emploi. Toujours en Ngozi, le président de la République, Pierre Nkurunziza, et son épouse se sont joints ce vendredi aux agriculteurs de leur champ dans les travaux de la récolte des pommes de terre se trouvant sur la colline Rutanga de la commune Gashikanoa. Le président Nkurunziza compte récolter 15 tonnes de pommes de terre sur environ une tonne qu'il avait utilisée pour la semence. Le numéro 1 burundais qualifie cette bonne récolte de bénédiction divine liée à la prière de la famille présidentielle avant chaque semis. La première chose que nous devons connaître, c'est que notre économie est basée sur l'agriculture et l'élevage. Vous savez très bien que plus de 90% de la population au Burundi vit de l'agriculture et de l'élevage. Si nous allons dans le monde entier, vous voyez que donc, ce que nous mangeons vient de l'agriculture. Pour dire que nous sommes très fiers de participer à l'économie nationale de notre pays, du moment où vous savez très bien que l'agriculture contribue à plus de 90% de notre économie nationale. La chose que nous mettons en avant pour semer, c'est que d'abord, nous préparons le terrain en bonne et due forme avec toute la technicité qu'il faut. En plus, nous apportons du fumier organique, mais aussi de l'engrais chimique en petite quantité. Mais les semences sélectionnées, quand nous avons les semences, avant de planter, nous venons nous-mêmes au niveau de notre famille et nous prions pour les semences que nous semons, afin que Dieu veille à la croissance de ces semences, mais aussi à nous donner une bonne production. Raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde s'étonne. Moi, je vois que c'est toutes les premières fois dans l'histoire de notre agriculture où je vois que nous avons semé une pomme de terre et que sur donc, cette pomme de terre, on peut récolter facilement plus de 20 pommes de terre qui totalisent autour de 3 kilos. Donc, quand on a semé donc une seule pomme de terre. Cela prouve à suffisance qu'il y a donc la puissance divine qui a agi sur nos semences. Raison pour laquelle pour aujourd'hui nous sommes très contents parce que Dieu a exaucé nos prières. Autant la semis débite par une prière, autant la récolte a été clôturée par une autre en guise de remerciement du bon Dieu pour cette récolte satisfaisante. Radio Scolaire Nderagakura, la taxe exigée sur les véhicules datant de plus de 10 ans n'est pas exorbitante si on compare à celle appliquée dans d'autres pays. C'est ce que fait savoir le commissaire général de l'Office burundais des recettes, Léonard Senhore, qui indique que cette taxe vient de passer de 1 500 000 à 2 millions de francs burundais. Léonard Senhore explique que cette mesure a été prise pour des raisons de protection de l'environnement et tranquillise la population que cette cette décision a tenu compte de leur pouvoir d'achat. Concernant la taxe que nous avons signalée en rapport avec les véhicules âgés de plus de 10 ans, dans d'autres pays même, c'est plus fort qu'ici. Dans d'autres pays, c'est peut-être à partir de 5 ans. Et c'est plus fort. Donc ici, nous avons effectivement tenu compte du pouvoir d'achat de la population. Nous avons également tenu compte du fait qu'il y a soit besoin effectivement de se déplacer. La plupart des Burundais n'ont pas de voiture privée. Et donc, nous pensons que le niveau d'imposition est tout à fait raisonnable. Nous poursuivons avec cette édition. Le Bureau des évaluations rappelle au public que les inscriptions des candidats autodidactes aux concours nationaux de 9e et de 10e édition 2017 ont déjà commencé. Cela ressort d'un communiqué que ce bureau a sorti ce vendredi. Le même communiqué précise que les inscriptions se passent dans leurs écoles d'origine et se clôtureront le 20 janvier 2015 à 15h30. Les directeurs communaux de l'enseignement sont priés d'acheminer les listes dans les directions provinciales de l'enseignement avec celles des candidats inscrits en 9e année fondamentale. Les candidats autodidactes passeront les examens dans les centres de leurs écoles. Toutefois, ceux qui ne se seront pas fait inscrire ne seront pas admis à ces examens. Poursuivons avec cette page éducation. Les enseignants des classes des premières années post-fondamentales font face à un problème de disparité de niveau des élèves selon qu'ils proviennent de la 9e année ou de la 10e année. C'est le constat que fait le préfet des études du lycée communal Wuhiga en province Karusi, Thomas Butoyi. Pour remédier à ce problème, les enseignants vont retourner à l'école le samedi pour relever le niveau des élèves et surtout ceux qui sont venus de la 9e année. Suivez plutôt Thomas Butoyi, il est préfet des études à cette école. Les résultats du premier trimestre et surtout dans les classes du poste fondamental n'ont pas été bons et surtout dans la section des langues parce que sur 112 élèves, nous avons 37 qui ont réussi et parmi ces 37, seuls 10 sont venus de la 9e et 27 sont venus de la 10e. Si nous faisons une comparaison entre les élèves qui sont venus de la 9e et les élèves qui sont venus de la 10e, nous constatons que les élèves de la 9e ont beaucoup de lacunes parce qu'ils ont échoué par rapport à ceux de la 10e. Et dans la section des sciences, sur plus de 100 élèves, nous avons eu 54 réussis, 20 seulement sont venus de la 9e, 34 sont venus de la 10e. Certains cours n'ont pas été bien enseignés aux élèves qui sont venus de la 9e. Les élèves qui sont venus de la 9e n'ont pas vu le dessin scientifique. Il y a aussi certains chapitres des mathématiques et certains chapitres de la chimie qui n'ont pas été enseignés à 9e. Pour pallier à ce problème, nous avons demandé à nos enseignants de se donner corps et âme pour enseigner très bien et mettre les élèves au même niveau. Nous leur avons demandé qu'ils puissent enseigner même le samedi, renforcer certains cours et surtout ces chapitres-là qui n'ont pas été bien enseignés. Nous avons aussi demandé aux élèves qui sont venus de la 10e d'expliquer aux élèves qui sont venus de la 9e pour que le niveau peut avancer et surtout au niveau de ces élèves qui sont venus de la 9e. Le même constat se fait sentir au lycée de Mouranvia. Le directeur de cette école, Bernard Ndainina Hazé, précise que cet écart de niveau varie selon les disciplines. Selon cette autorité, la stratégie de remédier à ce défi a été d'organiser les séances de mise à niveau les après-midi. On remarque une disparité entre les connaissances des élèves provenant de la 9e et les connaissances des élèves provenant de la 10e. Pour ceux qui proviennent de la 10e, on remarque qu'ils sont excellents dans les cours scientifiques. Et pour ceux qui proviennent de la 9e, on remarque qu'ils sont excellents dans les cours de langue et d'entrepreneuriat. Surtout dans le cours de Kiswahili, que les élèves de 10e n'ont pas vu dans les cursus scolaires. Ce que nous avons fait, on a organisé des séances de renforcement. Nous avons sensibilisé les enseignants pour qu'ils retournent les après-midi pour les mettre au même niveau. On va faire tout le long de l'année pour qu'ils avancent avec le même niveau dans les classes de 2e année. Post-fondamentale. Même si cette ordonnance interdit les frais de renforcement, on va sensibiliser les enseignants pour qu'ils continuent à donner ces cours de renforcement. Les professeurs, c'est eux-mêmes qui tirent profit parce que enseigner des élèves qui n'ont pas le même niveau dans une même classe, c'est difficile. Dernier élément de cette édition, le Bureau burundais de normalisation BBN travaille avec les entreprises légalement reconnues par la loi et qui ont le numéro d'identification fiscale NIF. Le directeur du BBN, Damien Akobedetse, le dit au moment où il s'observe des petites entreprises qui vendent des produits comestibles qui ne sont pas dans le champ d'action du BBN, ce qui peut être en danger public. Damien Akobedetse demande à ces petits entrepreneurs de se regrouper dans des associations pour accéder facilement à la certification de leurs produits. Le Bureau Burundais de Normalisation a entre autres mission la certification des produits. Il s'agit de vérifier la conformité de ce produit à la norme qui est recommandée pour ce produit. Eh bien, nous travaillons avec les entreprises qui sont légalement établies. Légalement établies signifie qu'ils ont le registre de commerce, ils ont le numéro d'identification fiscale, ils ont toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir rester officiellement sur le territoire burundais. Une fois ces papiers acquis, ils peuvent alors nous chercher pour avoir la certification de la qualité de son produit. Mais les entreprises qui ne sont pas légalement établies ne sont pas dans le champ d'action du bureau. C'est effectivement un danger public. C'est pourquoi nous travaillons avec d'autres institutions habilitées, notamment l'administration territoriale, notamment la sécurité publique, travaillons en synergie pour effectivement juguler de telles pratiques, mais aussi conseiller ces opérateurs économiques du secteur informel et puissent finalement se convertir vers le secteur formel afin de produire, puisque nous encourageons la création des emplois, la création des entreprises. Voyez-vous, d'ailleurs au Burundi, franchement, c'est un secteur qui mérite une attention particulière puisqu'on a très peu d'entreprises. Le premier appel est franchement celui de que l'union fait la force. Je le recommande que au lieu de travailler vraiment isolément, ils puissent unir leurs moyens et leurs efforts pour créer des unités de production vraiment viables. Ainsi, ils auront facilement ce caractère légal qui est recommandé pour pouvoir travailler avec nous. Nous avons à notre disposition les normes de qualité dans tous les secteurs qui sont là pour être appliquées, puisque ça ne sert à rien d'avoir une norme si elle n'est pas vraiment mise en application. Donc, nous leur lançons un appel vraiment vibrant pour qu'ils sachent que dans n'importe quel secteur, si vous voulez vous y engager, demandez d'abord au bureau de normalisation s'il n'y a pas une norme qui réglemente cette activité, qui montre les exigences de qualité qu'il faut remplir pour cette activité-là. Aux forces de l'ordre, nous travaillons en synergie. Chaque fois qu'ils constatent quelque chose est suspect sur le marché, ils nous interpellent, ils nous téléphonent et ils viennent nous voir pour s'assurer que ce produit est bel et bien connu par le bureau ou pas. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Epima Kibamboneyeho. Bonne suite des programmes sur Radio Scolaire Ndiragakura.